Vous écoutez France Culture. Le Corbeau, de Romain Slocombe. Une réalisation de Michel Sidorov. Vous avez un nouveau message. Mardi 28 janvier à 17h16. Appel du 02 32 51 42. Monsieur ou Madame Besombe, ici Madame Ravenne de la Cité Pasteur, avenue du Maréchal Foch à Andigny. Je me permets de vous appeler pour vous inviter à une réunion qui aura lieu chez nous après-demain, jeudi 30 janvier. Le thème de la réunion sera « Le marquage de l'Apocalypse et comment ceux qui auront reçu la marque seront épargnés ». Ceux-ci seront épargnés car, de même que la mort passe sur tous les hommes, il est nécessaire qu'il y ait un pouvoir de résurrection. La résurrection doit venir aux hommes par suite de la chute. La chute est venue de la transgression, et parce que l'homme est tombé, il a été retranché de la présence du Seigneur. C'est pourquoi il faut qu'il y ait une expiation infinie. Et si l'expiation n'était pas infinie, cette corruption ne pourrait pas revêtir l'incorruptibilité, et le premier jugement qui frappera l'homme aurait nécessairement une durée éternelle. Je pense que vous le comprenez, monsieur ou madame Besombe. Et s'il en était ainsi, notre chair serait rendue à la terre pour y pourrir et y tomber en poussière sans jamais se relever. Notre chair serait rendue à la terre pour y pourrir. Pierre Besombe a failli raccrocher, mais la dernière phrase l'a retenue. Notre chair serait rendue à la terre pour y pourrir. Ça, le sujet lui est familier. Oh, la sagesse de Dieu! Sa miséricorde et sa grâce. Notre esprit deviendrait esclave de cet ange qui est tombé de la présence du Dieu éternel et qui est devenu le diable. Votre esprit, monsieur ou madame Besombe, deviendrait semblable à lui. Et nous tous, nous deviendrions des diables, des anges du diable, pour demeurer avec le père du mensonge. Mais ô combien grande est la bonté de notre Dieu qui prépare une voie pour nous soustraire aux griffes de ce monstre horrible. Si vous désirez savoir si vous aussi vous recevrez la marque, et quand et comment faire pour la recevoir, monsieur ou madame Besombe, vous êtes cordialement invités tous les deux à cette réunion qui se tiendra après-demain, jeudi 30 janvier. Parlez-en à vos amis et connaissances. Et notez bien notre adresse. 4 Cité Pasteur, escalier B, 3e étage gauche. Je vous attendrai en bas de l'immeuble, devant l'entrée de l'escalier B, à partir de 19h30. Il y aura une petite collation de bienvenue dans l'appartement avant le début de la réunion. Je compte sur vous, monsieur ou madame Besombe, et pour transmettre l'invitation à votre conjoint, le message est conservé. Fin des nouveaux messages. Non, il ne transmettra pas l'invitation à madame Besombe. Car Madame Besombe n'existe plus. Il s'approche du buffet, l'ouvre pour en sortir la bouteille de scotch. Il s'en remplit un verre à ras-bord et va s'asseoir sur le sofa, devant la télé éteinte. Après avoir avalé une gorgée, Pierre Besombe se penche vers des feuilles de papier blanc posées sur la table à cocktail, extraites d'un dossier incluant des notes serrées écrites de sa main. Il y a aussi des enveloppes au nombre de 4, portant son nom et son adresse dactylographiée. La première enveloppe, Pierre Besombe l'a trouvée dans sa boîte aux lettres au début du mois de janvier. Son contenu se résume à une photographie en couleur et un bout de papier où sont inscrits, frappés à la machine, ces mots laconiques. « Voulez-vous jouer avec moi ?» La proposition l'a d'abord fait sourire. La photo représente une oie tirant par le col une chemise bleu clair pendue à un fil. De part et d'autre, des linges masquent l'arrière-plan où se devine, à une trentaine de mètres, un mur que longe une haie d'arbres. L'oie se promène sur une pelouse ou dans un pré, à l'herbe jaunie, semée de petites fleurs blanches. Le bonheur est dans le pré. Le bonheur est dans le pré. Cours-y vite, cours-y vite. Le bonheur est dans le pré. Le bonheur est dans le pré. Cours-y vite, il va filer. Sans qu'il y ait pris garde, ces paroles ont traversé l'esprit de Pierre Besombe, et avec elles, le souvenir d'un film vu quelques années plus tôt à la télévision en compagnie d'Edwige. Un film tourné dans le Gers, avec des oies et un squelette au fond d'un puits. Au bout du compte, cette première photo l'a inquiété, ainsi que le message qui l'accompagnait. À quel jeu voulait-on jouer avec lui ? De par son métier, Pierre Besombe n'est pas précisément enclin à l'optimisme. Les enveloppes arrivées les jours suivants l'ont conforté dans son impression. La deuxième contenait, elle aussi, une photographie. Un homme sur un vieux pont moussu enjambant un torrent. Les traits de son visage étaient indistincts, l'image un peu floue. Il portait une chemise bleue, assez semblable à celle malmenée par l'oie, et un petit sac à dos vert foncé. Sans le vouloir, au premier regard posé sur ce qui semblait n'être que la représentation paisible d'une excursion champêtre, Pierre Besombe s'est demandé ce que pouvait contenir ce sac. Serait-ce de sa part une déformation professionnelle que de ne pouvoir regarder quelque chose sans imaginer le pire caché derrière ? Sur la troisième photo, l'homme à la chemise bleue, ou tout au moins un homme vêtu ainsi, mais s'agit-il bien du même, flottait dans une rivière. Il dérivait, flottant sur le ventre, un noyé entraîné par le courant. Laissant aller sa tête sur le dossier du canapé, Pierre Besombe fixe le plafond. Quelques mouches s'y promènent. Dans un coin de la pièce, une araignée s'est postée en embuscade. Il faudra passer un coup de balai. Demain. Pierre Besombe reprend mentalement la chronologie des événements. La première lettre lui est parvenue le cinquième jour du mois, la deuxième le lendemain, la troisième une semaine plus tard. Dans la soirée du 12. 5 et 6 sont précisément les numéros des cases du jeu de loi où se trouve la première oie bénéfique et le premier accident, le pont. Selon la règle, qui s'y arrête se rend en 12 pour se noyer. Pierre Besombe s'intéresse au jeu. C'est l'un de ses vieux londingres avec l'étude des langues inutiles et la bibliophilie, les livres anciens en particulier. Le jour où il a reçu la troisième enveloppe, il n'a pas été réellement surpris par son contenu. Au contraire de la quatrième, plus volumineuse, en papier kraft, trouvée ce soir dans sa boîte aux lettres. Pas de photo cette fois, mais une mince brochure datée de 1675, intitulée « Le très noble et ancien jeu de loi, de son origine et de l'ordre qui doit se tenir et observer au dit jeu ». Traduit du toscan en François, par l'abbé D. de... Cette brochure, Pierre Besombe la connaît bien. Il en possède déjà un exemplaire, déniché voici 2 ans à l'étal d'un brocanteur, en septembre, lors de la foire à Toux d'Andigny. Exemplaire authentique, contrairement à celui qu'il tient entre les mains et qui se réduit à un vulgaire assemblage de photocopies agrafées. Il le feuillette rapidement avant de se resservir du whisky. Dehors, le vent secoue les branchages des robiniers. Pendant qu'il examinait dossiers, lettres et photos, la nuit est tombée. Nuit de fin janvier, humide et froide. Pierre Besombe se lève. Il marche vers la bibliothèque. Sur l'étagère consacrée au jeu, il cherche machinalement le très noble et très ancien jeu de loi. Il s'y reprend à plusieurs fois, écartant les livres, fouillant derrière les volumes, dérangeant les araignées. Oui. Monsieur Besombe ? C'est moi, oui. Bonjour, monsieur Besombe. Permettez-moi de me présenter, Brigitte Lagnaise, de la société Gérénoff à Rouen, verrière, véranda, aménagement de garage. Je désirais savoir si, dans les deux années à venir, vous avez l'intention de réaménager votre garage. Pierre Besombe s'est rassis sur le canapé. Il vide d'un coup son reste de whisky. La Niaise. Il soupire. Comment s'appelait-elle déjà ? La Niaise. Ouais, ça lui va bien. Idiote. Mais la voix rappelait celle d'Edwige. Petite putain d'Edwige. Pensez à épousseter sérieusement la bibliothèque. Pierre Besombe referme le dossier après y avoir inclus l'exemplaire photocopié de la brochure de 1675. Il se lève, emporte le verre à la cuisine, abandonnant les documents sur la table basse. Il balance le verre dans l'eau sale de l'évier, rejoindre les assiettes et la tasse du petit déjeuner de ce matin. La vaisselle attendra demain, ou plus tard. Ne jamais remettre au lendemain ce qui peut attendre le surlendemain. Pierre Besombe ouvre le réfrigérateur, le referme, écœuré par l'odeur qui s'en dégage. Il n'a pas faim. Le client de cet après-midi n'a pas contribué non plus à lui ouvrir l'appétit. Un peu trop faisandé à son goût. Suicide au barbiturique, découvert 4 jours après le décès. Le plus pénible dans le métier de Pierre Besombe, ce sont les suicidés. Seul, toujours seul, en face du corps, on se pose automatiquement la question du pourquoi. Surtout qu'il s'agit souvent de leurs vivants, de gens en bonne santé, qui semblaient bien dans leur peau. Et en les regardant morts, on ne sait toujours pas le pourquoi de leur mort. Le vrai pourquoi. Cela provoque de méchantes angoisses. Pour Edwige, c'est un collègue qui est venu s'occuper du corps à sa place. Mais bien entendu, ce serait trop pénible pour vous, mon malheureux ami. Abredouillé avec son air de fouine hypocrite, le directeur de l'entreprise de pompes funèbres. Bien entendu. Le collègue a dû effectuer un gros travail de restauration sur le sommet du crâne. Dans la salle de bain, Pierre Besombe avale une double dose de Stilnox. Il se déshabille et monte se coucher. Essaie de lire. Un roman de Colin Wilson qu'il a entamé la veille. Difficile de se concentrer. Les mots dansent devant ses yeux, vides de sens. Seul l'extrait d'un poème de William Blake retient son attention. Jusqu'à ce que de son cerveau enfermé dans un roc et de son cœur enfermé dans une dépouille charnelle sortent 4 fleuves, obscurcissant l'immense globe de feu. Pierre Besombe pose son livre sur la table de nuit, éteint la lumière. Des ombres dansent au plafond. Les feuillages bruissent dans le jardin. Et lui, son cœur enfermé dans une dépouille charnelle, son cerveau enfermé dans un roc. Le sommeil qui ne vient pas. Des oies se baladent dans sa tête. Oies blanches, bestioles stupides et jeux primaires. Même si des spécialistes de mes deux y discernent une signification secrète. Quelque chose comme une subtile métaphore de la vie, tu vois. Il se retourne sous le drap trempé de sueur. L'odeur. Pensez à changer les draps, aussi. Depuis le départ d'Edwige, que des questions stupides à régler. Il se retourne à nouveau. Il aurait dû prendre 3 Stilnox au lieu de 2. Trop tard maintenant. Titubé jusqu'à la salle de bain, allumer la lumière, ouvrir l'armoire à médicaments, uriner un bon coup pendant qu'on y est et tirer la chasse. Tout cela achèverait de le réveiller. Ne plus penser, plutôt. Oublier les bêtes oies, oublier les lettres anonymes. Oubliez les correspondantes folles dingues. Oubliez Edwige et... Pierre Beson me pose sa valise noire dans le coffre de la Renault. Un vent humide lui fouette le visage. Il s'est remis à pleuvoir, à fines gouttes. L'estafette des gendarmes a quitté le funérarium quelques minutes plus tôt. Dans le rétroviseur, Pierre Beson aperçoit vaguement un employé qui se dépêche de refermer la grille derrière lui. La voiture passe devant l'hospice, la boulangerie, le restaurant libanais, le bar tabac, fait le tour de la place de l'église pour enfiler l'avenue du Maréchal Foch. À gauche, la cité Pasteur, là où se cache cette Madame Ravenne, celle qui organise des réunions sur le thème de l'Apocalypse et sur comment faire pour recevoir la marque et échapper à la corruption éternelle. Pierre Besombe ne s'est pas rendu à la réunion d'hier soir. À présent, il regrette un peu. Il aurait bien voulu voir sa bobine à cette conne, ainsi que celle de son mari. Notez bien notre adresse. Je vous attendrai en bas de l'immeuble. Il y aura une petite collation de bienvenue. Pierre Besombe se met à fredonner la chanson de variété, un refrain stupide, qu'il a chanté tout à l'heure en œuvrant sur le corps inerte et glacé. Il lui a parlé, aussi. De plus en plus, Pierre Besombe parle à ses clients, en langue inutile. Le tchèque aujourd'hui. Maintenant qu'il y pense, cette lubie a coïncidé avec le départ d'Edwige. Nota, camarade, t'osses les holites traitées. Alors, camarade, tu t'es pas rasé depuis 3 jours? Tu t'es pas du genre à te raser trop souvent, si je comprends bien. Ouais, je vais pas te raser de trop près, alors. Que les tiens te reconnaissent comme tu étais d'habitude. Qu'ils m'adressent leurs félicitations. J'aime le travail bien fait. Ah oui, on m'a passé cette photo, que je n'oublie pas de la glisser dans ta poche avant de partir, mon vieux. Ce petit chemin qui sent la noisette, ce petit chemin n'a ni queue ni tête. Tout ce qui était en vie chez le mort est parti ailleurs. C'est cela qu'il importe de sauver. Mais ce n'est pas son travail à lui, Pierre Besombe. Le thanatopracteur travaille sur la matière. Sur une matière assez spéciale, mais au fond, c'est toujours la même chose. Il faut rendre le défunt beau. Il faut satisfaire la famille. Il faut le leur livrer dans un état propre, un bel état, de façon à ce qu'on puisse le contempler comme s'il était reposé. Réparer momentanément tout ce que la mort a défait. Il faut les remettre tels qu'ils étaient de leur vivant. Mieux même, si possible. Il faut que la famille soit satisfaite. Parce que si ça ne va pas, il y a forcément des retours. À l'Intermarché, 500 mètres après le funérarium, Pierre Besombe achète des conserves, des pâtes, des surgelés, des yaourts aux fruits, du lait UHT, de l'eau minérale, une serpillière, du liquide vaisselle et une bouteille de William Grant's, marque de whisky qu'il n'a jamais essayé. Côté insomnie, ça ne s'arrange pas. Il range ses achats dans le coffre, près de la valise. Il s'est encore autorisé une petite blague, ce soir, avant de fermer la porte du laboratoire. À la photographie donnée par la veuve, banal portrait de groupe en couleur même pas nette, et deux gamins excités au premier plan, de parfaites têtes à claque. Pierre Besombe a joint l'image de Loi tirant le col de la chemise bleue. Il a glissé les deux photographies ensemble dans la poche du veston. Depuis le départ d'Edwige, il accumule ce genre de plaisanterie d'un goût douteux. Personne ne s'en aperçoit. Tout cela demeure entre lui et ses clients. Ces derniers ne lui en veulent absolument pas de ses interventions humoristiques. Pierre Besombe en est persuadé. Car l'enfer ou le paradis, c'est du sérieux. Et pour un bout de temps. Même chose pour l'humidité glaciale du caveau. La thanatopraxie, ça rend les gens un peu maboule au fil des années. Certains collègues de Pierre Beson lui ont avoué avoir embaubé toute leur famille en rêve. Certains ne pensent plus qu'aux morts. Parfois, cela provoque des divorces, voire des séjours en pavillon psychiatrique. Il y a aussi les déviances sexuelles. Certains ont débarqué dans ce milieu justement parce qu'ils se sentent attirés. Ce matin, une petite fille, 10, 12 ans, le directeur n'a pas précisé l'âge, des ecchymoses au front, nécessitant un peu de restauration. Pierre Besombe aime le modelage. Ça lui rappelle son enfance. Et des jeux avec une espèce de pâte en caoutchouc dont il a oublié le nom. La petite fille aurait sûrement aimé y jouer si on lui en avait offert. À elle, il a chuchoté des mots de grec ancien. Gentiment, tendrement presque. Et une fois ou deux, il a éprouvé l'impression étrange qu'elle comprenait, qu'elle avait scié. Pourtant, elle ne respirait plus. Lorsqu'il en a eu terminé avec elle, la fillette semblait une poupée de cire. Pierre Besombe s'est approché. Sa main droite a caressé, sans un tremblement, la jupe écossaise maintenue par une grosse épingle de sûreté, argentée, qu'il avait refermée quelques minutes plus tôt. La jupe était garnie d'une petite poche sur le côté gauche. Pierre Besombe y a introduit une paire de dés. La Seine est haute, gonflée par les pluies. Ses eaux brunâtres charrient des branches mortes. Une corneille se tient juchée sur une de ses branches. Elle profite du voyage gratis au fil du courant. À présent, l'oiseau s'envole en battant des ailes. Pierre Besombe le suit un instant des yeux avant de reporter son regard sur la chaussée mouillée. Peu avant d'atteindre le portail de son domicile, il ralentit en passant devant la propriété de Janssens. Actionnant le clignotant, il jette un coup d'œil sur la droite. 30 mètres environ après la grille, on reconnaît clairement le mur, la haute haie d'arbres. Pas de linge qui sèche aujourd'hui. Pas de chemise bleu ciel. Et pour cause. La Renault tourne à gauche dans une ruelle. La nuit tombe. Le réverbère à l'angle du trottoir s'allume en douceur. Une tache ovale orangée dans l'air voilé de brume. Pierre Besombe fait halte un peu plus loin, laisse tourner le moteur de la voiture. Il se penche contre le pare-brise. Vision de sa maison silencieuse, fenêtres obscures entre les colombages. Une fois de plus, le sentiment de solitude le submerge. Puis il sort du véhicule, déverrouille le portail, le fait glisser jusqu'à la butée et s'en va allumer le garage, lequel sert aussi de remise pour les outils du jardin. Avant d'appuyer sur le commutateur, Pierre Besombe sent et entend craquer un escargot sous son talon. Merde. Il s'accroupit pour examiner la dalle en ciment. Et merde. Sous les fragments de coquilles brunes, à la lumière du garage, une masse luisante s'agite, mousse et se tortille, répandant des organes plus minuscules que des grains de haricots. Le thanatopracteur observe, fasciné, essayant d'imaginer la quantité de douleur enfermée là. Sa douleur à lui est différente, mais pas nécessairement plus supportable. Pensez à faire la vaisselle avant le dîner. La cuisine devient vraiment trop dégueulasse ces jours-ci. Il ramasse une grosse pierre, ça lui rappelle quelque chose, l'abat sur la coquille, écrase les restes, racle le ciment jusqu'à ce qu'on n'y distingue plus rien. Rien. Il ouvre la boîte aux lettres. S'en échappe une liasse de magazines publicitaires. Du 5 au 16 février, bravo Lélo chez Intermarché. Une facture téléphonique. Une invitation du comité des fêtes à réserver et payer sa place à la soirée choucroute. Un avis de passage pour l'entretien de la chaudière. Une publicité du service Habitat de la Compagnie des Eaux. La maison de Janssen, c'est avant. Un prospectus d'agence immobilière, illustré de photos en noir et blanc. Il reconnaît la maison de Janssen. Elle est donc à vendre. Ramassant les papiers, Besombe découvre avec un petit coup de froid au cœur, une enveloppe blanche portant son nom inscrit à la machine. Tenant d'une main les sacs Intermarché et le courrier, il ouvre la porte, allume l'entrée, le salon. Il pose les sacs à même le sol, en tire la bouteille de William Grant's et la pose sur la table basse. Il sort un verre du buffet, puis il décroche le téléphone et compose le 3103. Deux nouveaux appels, le dernier à 16h29. Mais personne ne lui a laissé de message. Des mouches bourdonnent à travers la pièce et dans la cuisine aussi. Plus encore dans la cuisine. Ce doit être les restes qui encombrent l'évier et la poubelle pleine dont le contenu se déverse à l'extérieur. Il ouvre l'enveloppe, la cinquième depuis le début du mois. Une photo du même format que les précédentes. Elle représente un puits au milieu d'un jardin. Pas n'importe lesquels. Son jardin, son puits. Installé sur le canapé, Pierre Beson avale un dernier verre, sans eau ni glaçon, cul sec. Puis il se lève et prend le dictionnaire des jeux de société dans la bibliothèque, ainsi que son exemplaire authentique du très noble et très ancien jeu de loi qu'il a retrouvé hier. Les deux ouvrages confirment son souvenir. Dans le jeu, la case 31 est toujours l'image d'un puits, complet, avec margelle en pierre, treuil et seau posés sur la margelle. Le calendrier, dans la cuisine, où Pierre Besombe a arraché une page ce matin, indique la date du 31 janvier. Qui ira au nombre 31 où il y a un puits, paiera le prix convenu jusqu'à ce qu'un autre, faisant le même point. Il se rassied et se resserre un verre de whisky. Le vent souffle sur les robiniers. Il fait nuit noire dehors. Pierre Beson observe le plafond, sa nuque appuyée contre le dossier du canapé. Dans son coin, l'araignée sommeille à 20 cm d'une mouche inerte prise au milieu de la toile, emmaillotée comme dans un linceul. Il pousse un long soupir, se redresse. Encore un verre de whisky, cul sec. Récapitulation. Voulez-vous jouer avec moi? Pierre Besombe aime les jeux et les vieux livres et les langues mortes ou inutiles. Le parcours du jeu de loi est divisé en cases, allant de la première, départ, à la case 63, porte du paradis. 5 enveloppes avec son adresse tapée à la machine. 1 livre photocopié. 4 photos. Une oie bénéfique. Une chemise bleue. Un randonneur sur un pont. Un noyé au fil du courant, un puits, son puits, et une petite morte à la peau de cire, une jupe écossaise à carreaux rouges, une épingle de sûreté. Jeu de loi, loi du jeu. Il contemple le verre vide. Cela s'est toujours passé ainsi, depuis la nuit des temps. On te refile tes dés, tu les jettes, résultat, qu'il soit convenu ou pas, il y a toujours un prix à payer. Pierre Besombe a déjà, depuis longtemps, jeté ses dés. Il hésite à répondre. Encore un appel publicitaire. Retour à la routine, 3 ou 4 appels exaspérants par jour après le flot des coups de fil de condoléances. Des doubles vitrages, une dégustation gratuite pour fêter l'ouverture d'un magasin de porcelaine bon marché ou d'un restaurant, ou... Ouais. Monsieur Besombe ? Oui. Au fond de lui-même, il s'était demandé tant de fois si la femme le rappellerait. Ici Madame Raven. Vous n'êtes pas venue à notre petite réunion ? Non. Et ma femme non plus. Je sais. Je suis désolée, j'ai appris plus tard à propos de votre épouse, au cours de la réunion, justement. Veuillez nous excuser, Monsieur Besombe. C'est pas grave. Ne dites pas cela, Monsieur Besombe. Il a plu à l'Éternel de vous meurtrir. C'est très grave. Mon mari et moi, nous partageons votre douleur. Mais ne l'oubliez jamais. Le corps physique ne compte pas. Le temps viendra où tous verront le salut du Seigneur. Cette pauvre Madame Besonde est dans la lumière à présent. Les liens de la mort seront rompus, car le Fils règne et il a pouvoir sur les morts. Et les petits-enfants auront eux aussi la vie éternelle. Avez-vous lu le journal, Monsieur Besonde? C'est horrible, cette gamine percutée par une auto. Le chauffeur avait 2,8 g d'alcool dans le sang. Il faudrait l'expédier en prison pour 10 années au moins, histoire de lui apprendre à vivre. La mairie a pourtant installé des panneaux limitant la vitesse de circulation à 30 à l'heure. Personne ici respecte les interdictions, alors... En effet, c'est pourquoi il faut prendre ses précautions. Mon mari et moi, par exemple, nous avons stocké 2000 litres d'eau potable dans notre cave. De la nourriture en conserve pour un mois, 2 arbalètes, une carabine et un groupe électrogène. Ah bon? Et pour quoi faire? La marque ne suffit pas, Monsieur Besonde. Une apocalypse a déjà eu lieu sur la planète Malona, autrefois située entre Mars et Jupiter. Il s'est déroulé là-bas une guerre effroyable. Les survivants ont gagné la Terre, d'où ils ont assisté au spectacle grandiose de l'explosion de leur planète. Une gigantesque croix de feu a surgi au milieu du ciel, laissant à jamais une trace, le symbole de la croix dans l'inconscient des espèces. La déflagration fut si puissante qu'elle ébranla le soleil et donna naissance à la planète Mercure. Ce nouvel astre a déséquilibré le système solaire dans son ensemble et inversé les pôles négatifs et positifs de la Terre. À cause de ce phénomène, les aéronefs des réfugiés de la planète Malona ne fonctionnaient plus. Les Maloniens sont donc restés chez nous, Monsieur Besonde, où ils se sont accouplés avec la race humanoïde indigène, elle-même née il y a 75 millions d'années, par une manipulation génétique opérée par une autre race extraterrestre, venue, elle, d'une galaxie extrêmement lointaine, qui s'appelait les Elohim. Mais cela, nous pourrons en parler en détail une autre fois. Je vous téléphonais, Monsieur Besonde, parce qu'il est encore temps pour vous d'écouter le message. Quel message, Madame Raven? Le message énergétique. Car le jour viendra où tous verront le salut du Seigneur, où chaque nation, famille, langue et peuple verra œil à œil et confessera devant Dieu que ses jugements sont justes. Alors les méchants seront rejetés et ils auront sujet de hurler, de pleurer, de gémir et de grincer des dents, et cela pour n'avoir pas écouté la voix du Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur ne les rachète pas, parce qu'ils sont charnels et diaboliques et que le diable a tout pouvoir sur eux. Le diable qui fut la cause que toute l'humanité, en dépit de l'apport positif des Elohim, puis des réfugiés maloniens, devint charnel, sensuel et diabolique, rejetant le bien pour le mal et s'assujettissant au diable. Chez nous aussi, par exemple, je suis sûre que vous avez déjà vu ces femmes dégoûtantes avec leurs caravanes stationnées en lisière de forêt. Les camionnettes de l'amour, qu'ils appellent ça. Et les gendarmes ne font rien, qui ont le culot de déclarer « pas de racolage, donc pas de problème ». Vous n'y seriez pas allé par hasard? Monsieur Besonde, j'ai raison, n'est-ce pas? Madame Raven. Oui? Allez-vous faire foutre? Et alors il arrivera que tes épaules seront déchargées du fardeau. Ton cou sera délivré de son joug. Cependant, souvenez-vous, Monsieur Besonde, que celui qui persiste dans sa nature charnelle et qui continue dans les voies du péché et de la révolte contre Dieu, celui-là reste dans son état de déchéance et le diable a tout pouvoir sur lui. C'est pourquoi il est comme si aucune rédemption n'avait été faite. La colère du Seigneur est déjà allumée contre lui. Il est Dieu seul, Dieu l'Éternel. Il n'engendre point et n'est pas engendré. Aucun autre ne lui est comparable. Connasse. Pierre Besonde tire brutalement sur le fil du téléphone, arrachant la fiche de la prise. Vaguement égaré, il contemple la pièce de séjour. Il a l'impression que les mouches dans la maison bourdonnent de plus en plus fort. Les araignées ne doivent plus savoir où donner de la tête. 1 h 03 plus tard, encore assis sur le canapé, Pierre Besonde contemple ses mains. Ses mains pâles, propres, soignées. « Tes mains sentent la mort », a remarqué Edwige un jour, ou plutôt une nuit. C'est pour ça que t'as été en chercher d'autres. Ma salope. Est-ce le vent ? les branchages. Il a l'impression qu'on a frappé à la porte. Pierre Besombe termine le dernier verre. Se lève. Ses jambes vacillent sous lui. Le salon tourne un peu. Pas trop. Sa gorge brûle. Ses mains sont très froides. Le cœur cogne à coups sourds. Rapide. Son tibia heurte la table basse. L'enveloppe vide chute sur la moquette. Pierre Besombe titube vers l'entrée. Fait jouer la clé dans la serrure. Frissonne avant d'ouvrir la porte au vent de la nuit. Vous avez lu cet article, mon capitaine ? Ils sont pas sortis de l'auberge, les Allemands. Quoi, les Allemands ? Attendez. Écoutez un peu ça. Autrefois, au bout d'environ 10 ans, les anciens lieux de sépulture pouvaient être réutilisés. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, et cette situation engendre l'inquiétude des scientifiques. Une conférence a d'ailleurs été organisée à Hambourg afin de débattre des causes et des solutions possibles à ce problème. Oui, mais quel problème, gendarme au guano ? Un problème de décomposition. Ou plutôt, de non-décomposition. Il semblerait que ce soit dû à une alimentation trop riche en conservateurs. Mais peut-être aussi à la pollution et aux pesticides qui détruiraient les bactéries nécessaires à la décomposition. Un entrepreneur de pompes funèbres berlinois assure que les corps mis en terre il y a 30 ans ont l'air d'avoir été inhumés la semaine dernière. C'est comme s'ils avaient mariné dans des produits conservateurs. Or, d'après ce que dit le journal, les fossoyeurs allemands, depuis des siècles, ont coutume de rouvrir les vieilles sépultures pour y placer les nouveaux cercueils. Ceux-ci prennent la place des bières plus anciennes, lesquelles se sont désagrégées et enfoncées dans le sol avec leur contenu. Enfin, ce qu'il en reste. Hein ? Ils font ça en Allemagne ? On a toujours partagé ou réutilisé les tombes, commente un certain professeur Rainer Horn. On ajoute des corps et la nature suit son cours. Oh, merde. Moi qui viens de prendre à crédit une concession à perpétuité pour moi et ma femme. Je crois qu'on dit concession perpétuelle, pas à perpétuité. Vous faites de la déformation professionnelle, chef. Et ils comptent faire quoi pour solutionner le problème ? Certains États allemands proposent des enterrements en pleine nature, où les arbres serviraient de pierre tombale. Et espèrent que ces cimetières bio vont remplacer les formules plus traditionnelles. De leur côté, les Norvégiens étudient des produits chimiques que l'on injecterait dans les dépouilles afin d'accélérer le processus. Le contraire du travail de l'embaumeur, en somme. Au fait, mon capitaine, qu'est-ce qu'on fait du nôtre ? Quoi, qu'est-ce qu'on en fait ? Le gendarme au bueno tape sur les nerfs du capitaine Férec. Cet après-midi, encore plus que d'habitude. Va savoir pourquoi. Peut-être le temps ? 3 jours que le vent souffle en rafale depuis la Manche et qu'il pleut sans interruption. Oui, mon capitaine. Je tape quoi ? Accident ou suicide ? L'expertise médico-légale s'est révélée incapable de décider entre l'un ou l'autre. Accident. Pour nous, ça signifie moins d'emmerde. C'est que le... Le directeur de l'entreprise m'a raconté que Pierre Besombe débloquait pas mal ces derniers temps. Des clients se sont plaints, mais il n'a pas voulu me donner de précision. Par respect pour les familles, n'est-ce pas ? Alors, quand le thanatopracteur a cessé brusquement de venir à son boulot, son patron a été plutôt soulagé et l'a remplacé en vitesse. Quoi qu'il en soit, ce Besombe, grosse déprime. Probablement suite au décès accidentel de sa femme, le 11 janvier. Ah oui ! Le gars était en dépression. Il a picolé, s'est baladé dehors et a glissé dans le puits. Le jour ou la veille de l'accident, il avait fait des provisions à l'Intermarché. Acheté du liquide vaisselle, du whisky. On a retrouvé le ticket de caisse. Ça colle pas vraiment avec l'intention de se tuer. Oui, mon capitaine. Mais pourtant... L'emmerdeur type, cet Aubouaneau. Tout ça parce qu'on est né en région parisienne et qu'on sort de l'école de gendarmerie, frais comme un gardon, avec ses fringues de playboy, la chemise à rayures et le nœud papillon qu'il portait l'autre samedi à la soirée choucroute. Même qu'Hélène, la jeune épouse du capitaine Férec, a fait une remarque à ce sujet en rentrant à la maison. C'est que toutes les nanas lui tournaient autour à l'Aubouaneau, et même une ou deux femmes de collègues. « Eh bien, moi, il n'est pas du tout mon genre », a décrété Hélène. Et toc, le capitaine Férec Harry, il l'a embrassé. Cette nuit-là, dans ses souvenirs, hein, ils ont fait l'amour de façon particulièrement satisfaisante. À vrai dire, l'officier avait rarement vu Hélène aussi excitée. Il ignorait que la choucroute produisait un pareil effet sur les femmes. « Pourtant quoi, Aubouaneau ?» Il y a cette chemise pleine de documents qu'on a récupérés chez Pierre Besombe. Des enveloppes tapées à la machine, adressées à lui, mais non timbrées. Un texte ancien, photocopié, ayant trait au jeu de loi. Et des notes de la main du mort, où il est question de date, de numéro. Et d'oie, justement. Ouais, c'est ça, des oies. Ça fait sérieux dans un rapport. On nous félicitera. Il n'y a pas que les oies, chef. Nous avons trouvé ces deux photographies de Janssens. Et alors ? Janssens était le patron d'Edwige Besombe, laquelle effectuait des remplacements à sa pharmacie. Et la photo de Janssens noyée, n'importe quel badaud pouvait la prendre le jour où on l'a découvert accroché par les herbes sous le pont de Bernières. Le 12 janvier. Et alors ? Edwige Besombe est décédée le 11, d'une chute de cheval pendant une sortie du club d'équitation. Au fait, elle aurait eu une liaison avec le moniteur du club, il y a une année de cela. Liaison terminée depuis plusieurs mois. Pierre Besombe était seul avec sa femme au moment de l'accident. Le cheval se serait cabré suite à une soudaine frayeur. Les chevaux sont des animaux nerveux, c'est un fait connu. La tête de la victime aurait porté contre une grosse pierre au moment de la chute. Fracture du crâne. Ça s'est passé dans une combe assez isolée. Aucun témoin, à part Besombe et les chevaux, mais ils n'ont pas été très bavards sur ce qu'ils avaient vu. Et aucune recherche d'ADN sur la pierre, étant donné que nul n'avait de raison de suspecter un homicide. De toute manière, le labo n'aurait rien trouvé. En cette saison, tout le monde ou presque porte des gants. Quant à Janssens, il a disparu le même jour. Alors qu'il partait, comme chaque semaine, cueillir des plantes médicinales en forêt. On a découvert son corps le lendemain, le 12. Le capitaine ne répond pas. Il se contente d'examiner le plafond de la pièce. Une mouche y circule, s'immobilisant de temps à autre, comme si elle aussi réfléchissait à la question. Sur la table à cocktail dans le salon de Pierre Besombe, à côté d'un verre vide qui avait contenu du whisky et d'une photo du puits où il est mort, nous avons remarqué un jeu de loi. Encore vos oies. Oui, mon capitaine. Je me suis un peu amusé à étudier le parcours du jeu. La case 11 représente un personnage désarçonné par son cheval. La case 12, un pont au-dessus d'une rivière. La case 31, 31 janvier, date probable du décès de Pierre Besombe, un puits. La case 58, une tête de mort et deux tibias entrecroisés. 58, c'est pas une date. Ah, mais cela pourrait en être une. 58 moins 31 égale 27. Il y a 8 jours, le 27 février, une résidente de la cité Pasteur, une certaine Madame Ravenne, qui prétendait bien connaître Pierre Besombe, nous a téléphoné pour signaler sa disparition. Et on est allé voir chez lui pour finir par le puits bouché, d'où on a remonté le cadavre. Avec la décomposition... plus le temps pourri qu'il a fait ce mois-ci, tiède et pluvieux. Besombe ressemblait à peu de choses près à l'image en question dans le jeu de loi, celle du squelette qui ricane. Sans doute n'avait-il pas ingéré suffisamment de pesticides et de conservateurs. Qu'est-ce que vous décideriez si vous étiez à ma place, gendarme au Bonneau? J'irai poser quelques questions à Madame Ravenne. Celle qui a appelé pour nous avertir? Je ne vois pas le lien. Cette dame et son mari organisent des réunions à domicile pour lesquelles ils lancent des invitations téléphoniques. Le couple fait partie d'une espèce de secte. Madame Ravenne est native de la région, mais elle a longtemps vécu à Douai, ayant épousé là-bas un dénommé Henri Ravenne, représentant de commerce, et membre fondateur de la société ésotérique OSRM. Autrement dit, l'ordre spirituel réorganisé de Moroni. Les Ravenne ont dû quitter Douai précipitamment il y a 3 ans après une vilaine histoire. J'ai déniché ça en tapant leur nom à tous les deux sur Google. L'affaire a fait un peu de bruit en région Nord-Pas-de-Calais et un hebdomadaire local gardait un article en ligne à ce sujet. Bon, racontez-la-moi cette histoire, au Bonneau. Je sens que vous en mourrez d'envie. Ah, cela m'est égal, mon capitaine. Il n'y a pas eu de plainte déposée pour exercice illégal de la médecine, non-assistance à personne en danger ou quoi que ce soit. Mais j'ai quand même téléphoné à nos collègues de Douai. Ils m'ont envoyé un petit topo. Le couple Ravenne se spécialisait dans les consultations en réglage alimentaire spirituel personnalisé. Le résultat était, en général, de la déminéralisation avancée, de la décalcification des dents et du squelette, de la fonte musculaire au niveau des membres, et un amaigrissement important accompagné d'une anémie grave. Sous prétexte de questions de nature charnelle et de voie du péché, les Ravenne se mêlaient aussi de la vie privée des personnes qui se rendaient à leur réunion et cotisaient pour la secte. En particulier, une certaine Madame Forster, enceinte à l'époque. Les Ravenne lui avaient parlé d'un problème énergétique et fortement suggéré de reporter sa grossesse. Le compagnon de Madame Forster s'y est opposé et une petite fille est née en 2008. À la clinique, les médecins la déclarent trisomique. Monsieur et Madame Ravenne ont nié farouchement le fait. Il s'agirait d'un simple problème énergétique et tout va rentrer dans l'ordre. Le père a voulu consulter un généraliste diplômé, le docteur Lucien Gasque. Pas de chance. Lui aussi faisait partie de l'OSRM. Il n'a vu l'enfant que 6 ou 7 fois en 2 ans et demi, effectuant un travail à distance sur les charges électromagnétiques. Et ce n'est pas fini, mon capitaine. Les parents consultent 7 fois une ostéopathe que leur a recommandée Madame Ravenne. Tout le diaphragme d'Anne Paul est bloqué, explique l'ostéopathe. Le corps de votre fille est trop attiré vers le ciel, pas assez vers la terre. C'est pour cela qu'elle ne va pas à la selle, ses excréments étant attirés vers le haut. Anne Paul n'est pas incarnée. Elle se blottit dans vos bras pour ne pas repartir au ciel. L'enfant finit par avoir une crise grave. Le SAMU la transporte à l'hôpital. Les médecins diagnostiquent une leucémie. Le docteur Gasque disparaît, mais les Ravenne essaient de reprendre la situation en main. Effectivement, il y a des cellules leucémiques, concède Madame Ravenne. C'est un processus subtil qui s'est mis en place depuis plusieurs mois, mais que je n'ai pu décoder que depuis dimanche dernier. Je ne peux pas vous en parler, cela risque de faire flamber la maladie. N'ayez plus de contact avec Gasque, ne mentionnez même pas son nom, il représente un danger immédiat pour Anne Paul. En dehors des gens que j'ai déjà soignés, j'ai connu cette maladie personnellement. Anne Paul ira beaucoup mieux. On a travaillé au niveau spirituel, il faut désormais travailler au niveau du corps. C'est un non-sens de commencer une chimiothérapie. Anne Paul doit recevoir impérativement des doses d'arsenic et de mercure. La mère signe une décharge à l'hôpital et reprend sa fille, qui décède à son domicile 3 jours plus tard. Madame Forster, qui a fait une dépression grave, refuse de porter plainte malgré la colère de son compagnon et les conseils de l'avocat des parents de celui-ci. contacté par elle au téléphone. Madame Raven, qui ne veut plus rien avoir à faire avec Madame Forster, finit par lui déclarer « La mort n'existe pas. Le corps physique ne compte pas. Le temps viendra où tous verront le salut du Seigneur. Réjouissez-vous. Anne Paul est dans la lumière. » Lorsque la presse a commencé à s'emparer de l'affaire et que les caméras de télé-régionale sont venues se planter devant leur porte, le couple de guérisseurs a plié bagage pour venir s'installer ici, en Haute-Normandie. La mère de Madame Raven possède un élevage d'oies, à une douzaine de kilomètres, dans la vallée de la Seine. Et alors ? Personne n'est venu se plaindre pour le moment, non ? Au fait, gendarme Aubouaneau, vous ne le savez sans doute pas, mais il se trouve que Madame Raven est une parente éloignée, par alliance, bon, c'est compliqué, du beau-père de la sœur de ma femme. On ne va pas rentrer dans les détails. Tiens, vous ne la connaissez pas, celle-là. Vous qui savez tout, le diable est dans les détails. Allez, allez, poussez-vous, je vais boucler ce rapport moi-même. Comme vous voudrez, mon capitaine. Au fait, est-ce que je pourrais partir un peu plus tôt ce soir ? Je dois dîner avec un vieux camarade de lycée de passage en ville. Faudrait que je rentre chez moi d'abord. Allez-y, allez-y, gendarme Aubouaneau. Moins je vous vois, mieux je me porte. Le capitaine Férec achève de classer les rapports des trois derniers jours. Outre celui qu'il vient de taper à la place de Jean-Paul Aubouaneau au sujet du suicide de Pierre Besombe, l'officier a eu droit aux deux ados épinglés alors qu'ils fumaient un joint dans les parties communes de la cité Pasteur, remis à leurs parents après les admonestations d'usage. À la Renault et à la Citroën, retrouvés sur le parking de l'Intermarché, les quatre pneus crevés. Les propriétaires ont porté plainte. À des violences entre automobilistes. L'un d'eux aspergé au moyen d'une bombe à gaz lacrymogène. À l'électricien qui a menacé son fils avec un couteau. C'est la mère qui a prévenu les gendarmes. À un cambriolage à Charleval, un poste de télévision et 40 euros en liquide disparus. Ont été interpellés durant ces trois jours une jeune fille de 22 ans pour grivellerie de carburant, un homme de 41 ans pour violence volontaire sur son épouse, un homme de 54 ans pour conduite sous alcoolémie, 1,34 g, et sans permis de conduire, et un homme de 32 ans pour outrage et menace sur un policier municipal. Le capitaine Férec imprime les rapports et les range dans un tiroir, éteint la lumière dans le bureau. C'est la mère François. Je t'assure que c'est la mère François. L'histoire des deux vaches, c'est la mère François. Mais non, non, c'était Mathieu. Allez, salut les gars. Bonne soirée. Oui, bonne nuit, capitaine. À nous, capitaine. Il quitte les locaux de la brigade de gendarmerie, longe le parking en allumant une nouvelle cigarette et traverse la rue Saint-Sulpice, qui sépare son lieu de travail de la caserne, les petits immeubles d'habitation réservés aux militaires de la sous-préfecture d'Andigny. Le capitaine Férec ramasse son courrier dans la boîte du hall d'entrée, une seule lettre, et monte au deuxième étage. Hélène ? Hélène ! T'es là, mon petit canard ? Oh, ma chérie ! Puis il se rappelle que sa femme est partie à Louviers passer la nuit chez sa sœur. Il songe à téléphoner, histoire de vérifier qu'Hélène est bien arrivée. Les routes sont glissantes ce soir. Je suis con, pourquoi je l'appelle pas sur son portable ? Bonjour, c'est bien moi, Hélène Ferrec. Je ne peux pas vous répondre pour le moment. Mais laissez-moi un message, je vous rappellerai sans faute. C'est à vous. Elles seront parties au cinéma ou dîner en ville. Le capitaine Ferrec hausse les épaules. Ne laisse pas de message. Il rappellera peut-être plus tard, dans la nuit. Comme à chaque fois qu'il rentre dans l'appartement, l'officier de gendarmerie contemple avec satisfaction sa collection d'armes à feu, rangée soigneusement à l'intérieur du meuble vitrine, au milieu de la salle de séjour. Un Zig P210 automatique, simple action calibre 9 mm. Un revolver Smith & Wesson, modèle 15, canon court de 50 mm 8. Un automatique Walther PP, calibre 22 long rifle 7, 65 mm. Un Colt Super 38 automatique, version du Government Model, modifié pour le tir de munitions à haute vélocité. Un revolver Harrison & Richardson 929, double action, calibre 22 long rifle avec canon long de 152 mm 4. Un petit revolver Browning, modèle VB, deux poches, à canon court de 50 mm 8. Un vieil automatique Beretta, modèle Puma, simple action, calibre 7 mm 65. Et son préféré, à la fois pour le tir et l'entraînement, le pistolet Herma Werke KGP 68, calibre 9 mm court, qui offre une certaine ressemblance avec le Parabellum Luger de l'armée allemande. Ça lui fait tout drôle de se retrouver seul dans l'appartement vide à 7 heures de la soirée. Écrasant sa cigarette dans le cendrier, Hélène déteste les odeurs de tabac. Le capitaine Ferrec va prendre une Carlsberg dans le réfrigérateur. S'assied à la table en formica de la cuisine, décapsule la bouteille, se remplit un verre. En attendant que la mousse redescende, il ouvre la lettre en se servant d'un couteau à pain qui traînait. Il remarque que l'enveloppe n'est pas timbrée. Son nom et son grade, capitaine Ferrec, le nom de la rue Saint-Sulpice et celui de la ville d'Andigny, sont tapés à la machine. Pas de code postal. À l'intérieur, une photographie en couleur. Elle représente une voie passant devant un angle du bâtiment où sont logés les gendarmes et leurs familles, ainsi que les gendarmes célibataires. Devant une fenêtre du rez-de-chaussée, une chemise pendue à un fil, une chemise rayée, comme celle du gendarme au Boineau. Dehors, le vent s'est remis à souffler en rafale, faisant grincer les stores. Machinalement, le capitaine Ferrec jette un regard à la vitrine du séjour sous la lumière crue du plafonnier et à ses 8 armes de collection, alignées comme à la parade et soigneusement astiquées. Il secoue l'enveloppe, s'en échappe un bout de papier où sont dactylographiés ces mots laconiques. Voulez-vous jouer avec moi ? Voulez-vous jouer avec moi ? C'était Le Corbeau de Romain Slocombe, avec Jean-Marie Gallet, le narrateur, Philippe Magnan, Pierre Besombe, Nathalie Canoui, Madame Raven, Georges Kless, le capitaine Ferrec, Grégory Kidel, Jean-Paul Auboineau, Louise Pastot, Hélène Ferrec, Constance Carlet, Brigitte Lagnès, Pauline Ziadé, la voix du répondeur, Jean-Marc Layé et Léonard Pathé, les gendarmes. Bruitage Bertrand Amiel, assisté d'Élodie Fiat. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset et Sébastien Labarre. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer et Marion Guilaine. Réalisation, Michel Sidoroff. Retrouvez en kiosque la saison 3 des Petits Polars avec Le Monde et SNCF.